la même énergie de pensée, c'est-à-dire le poison, les poisons de la vie. Moi, personnellement, j'ai un petit problème. J'ai une tendance à toujours me missionner. OK. Ouais. C'est un de mes grands défauts. Ben, un défaut, oui, c'est un défaut. Quels sont les... de quelle manière je pourrais changer? Parce que c'est profondément ancré. Bon, une chose importante, c'est que tous les humains qui ne sont pas centrés dans leur intelligence, ça veut dire tous les humains, sont tous missionnés et missionnables. Bon, il faut des choses. Par exemple, toi, effectivement, quand on s'est connu, tu étais missionné d'ailleurs. Il n'y a pas un seul Romain qui voulait aller en Judée. Finalement, ben, tu es allé en mission pour préserver l'intégrité de Rome. Par la suite, tu t'es missionné aussi. Tu as accepté de te faire tuer pour préserver l'honneur d'une reine. Mais finalement, tu n'étais pas fait tuer. Tu étais vraiment chevalier à place. Et puis, dans ce vie-ci, ben, tu es allé défendre l'honneur et l'intégrité. Tu étais bon au Vietnam. Bon. Et à chaque fois, tu t'es fait fourrer. Bon. Tous les êtres humains qui se missionnent ou qui se missionnent encore, effectivement, des petites missions, des petits commandos locales. Bon, une personne là-bas qui peut-être est un petit peu malheureuse, c'est que là, tu as une petite mission pour l'aider. Les empoisonneurs sont aussi des êtres missionnés, puis tous les individus se missionnent. Le médecin a une mission pour accomplir ça, il se missionne. Puis le psychologue se missionne, le mécanicien se missionne, pas juste pour faire la mécanique, mais au niveau de sa vie. Tous les humains sont missionnés. Et maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le missionnage, c'est lorsqu'on attribue, ou lorsqu'on s'attribue, mais disons, on va dire, lorsqu'on se laisse attribuer, un prototype, un schéma de vie. Alors, tous les humains sont missionnés. Maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est que l'humain qui, comme toi, tu parles de missionnage, c'est-à-dire que au niveau de la valeur de ce que tu vas vivre, tu ne seras pas capable, on ne pourra pas te manipuler à agir si on n'a pas implanté chez toi une vision chevalière de la chose. D'où l'idée de commando ou de mission. Alors que l'autre individu qui n'a jamais été dans des mécaniques réincarnationnelles de chevalier ou de chevalière ou de quoi que ce soit du genre, ou religieux, parce que les religieux ont presque toujours été des missionnaires. C'est-à-dire qu'on parle de missionnaire, quelqu'un qui fait une mission, puis une mission, c'est un terme militaire. Les premiers missionnaires, moi, c'était des moines chevaliers. Donc, c'est des militaires. Et par la suite, par extension, c'est devenu différemment. C'était les chevaliers de Dieu. Donc, leur épée était une croix. C'est ce que les missionnaires disaient aussi. Bon. Alors, ils ne se battaient pas. Ils se battaient contre le diable. C'était des chevaliers. N'importe quelle personne qui n'est pas conscient de se missionner, c'est quand même une personne qui se missionne. Sauf que lui avait besoin d'une valeur chevalière pour être capable d'accepter un plan de vie. Alors que l'humain ordinaire ne le fera pas. Ça peut être, oui, mais moi, là, je suis une bonne mère. Je suis un bon père. Je veux être une bonne mère, je veux être un bon père. C'est une mission, ça, là. C'est un missionnage. Bon, je veux être un bon citoyen, c'est une mission. Je veux être, bon, tout, du moment que l'humain veut être quelque chose, s'il n'est pas totalement centré dans son intelligence, il se missionne. Alors, c'est pas nécessaire que l'humain se dise, je suis missionné, puis ma mission, c'est de devenir un bon père de famille. Ça n'a rien à voir. Bon, certaines personnes, ça sera, moi, je veux être heureux, c'est sa mission. Moi, je veux rendre heureux, c'est sa mission. OK? Alors, il faut comprendre que ce défaut-là, tout le monde l'a. Ça t'arrange pas, mais j'explique pour les autres. Au niveau de l'empoisonnement, les individus, c'est aussi une forme de mission, c'est-à-dire qu'elles veulent arriver, parvenir à faire quelque chose dans leur vie. Soit que l'autre ne les aura pas, c'est une mission. Soit que l'autre, bon, elles ne veulent pas que l'autre se perde, donc elles vont l'aider, elles vont... C'est une mission. Ça reste une mission. Alors, les individus sont missionnés, puis le fait d'être missionné spirituellement fait que souvent, tu deviens un emmerdeur. Prenons l'exemple. Ça sonne à votre porte, si on a un témoin de Jéhovah qui se présente, il est missionné. Peut-être qu'il va empoisonner votre vie. Il peut ne pas, il peut. Ça dépend de l'individu, ça dépend de ce que vous allez faire. Pas nécessairement de lui fermer la porte, on peut le laisser rentrer puis sans se laisser empoisonner. On peut lui fermer la porte aussi puis pas se laisser empoisonner. On peut lui fermer la porte et se mettre très près. Si c'était un fanatique. Mais ce qu'on doit comprendre simplement, c'est que le missionnage fait partie des mécaniques d'empoisonnement. Puis toi, pourquoi on te missionne? C'est parce que tu as encore la capacité émotive d'aimer l'humain. Comprenez une chose, hein? Si vous êtes capable, de toute façon, pour être un empoisonneur ou une empoisonneuse, vous devez être capable d'aimer. Bon, On empoisonne ceux qu'on aime. Obligatoirement. Ah ouais, ciel. Parce que sans ça, tu ne peux pas établir de contact avec l'autre. Maintenant, c'est sûr que le aimer, ça peut être la haine, c'est de l'amour. Donc, tu empoisonnes celui que tu détestes. Ouais. Tu empoisonnes celui que tu loues, tu empoisonnes celui que tu envies, tu empoisonnes celui carrément que tu aimes. Les parents aiment leurs enfants, ils vont les empoisonner. Mais il y a quand même une certaine façon de se missionner qui n'est pas empoisonneur. Non. Non. Stéphane, non. 1%. Oui, oui. Parce qu'il y a des choses qu'il faut faire. Il faut quand même pas tout dire tout d'un coup. Il y a quand même des choses qu'il faut faire. Il y a des choses que, disons que moi, je sens qu'il faut faire. Oui, mais toi, tu n'es pas l'outil pour faire quelque chose. Quand on pense qu'on est l'outil pour faire quelque chose, on devient missionnable, missionné et empoisonneur. Je comprends pas. Bon. S'il y a des choses intelligentes qu'il faut qu'ils se fassent. Oui. Bon. Si tu les fais spontanément parce que ça arrive qu'il faut que ça se fasse, c'est intelligent, tu le fais, tu n'es pas missionné. Mais si tu te lances en croisade ou en okay. pour le faire, ça a beau être intelligent, tu es missionné. Donc en partant, tu vas devenir un empoisonneur. Si tu dis, oui, mais il faut bien que moi, il faut bien que quelqu'un fasse ça dans ta vie. Il faut bien que quelqu'un te pousse dans le cul un peu. Tu es missionné. C'est vrai qu'il faut que la vie te pousse dans le derrière. C'est peut-être vrai qu'il faut que la vie t'inhibe un peu. C'est peut-être vrai qu'il faut que la vie t'écœure un peu. Ah, il faut bien que quelqu'un t'écœure un peu sans ça. T'es missionné. Puis un missionné est toujours un empoisonneur. Comme... Puis là, je répète, il faut bien comprendre. L'empoisonneur souffre et souffrira aussi longtemps qu'il va empoisonner la vie de d'autres. Pas de l'autre, de d'autres. Parce que tu m'empoisonnes ma vie, tu cesses de m'empoisonner ma vie, tu commences à empoisonner la vie de madame là-bas. Alors, ça reste, toi, tu es resté malheureux. C'est pas ça que tu vas te dire, pas ça que tu vas me dire, ah oui, toi, j'ai arrêté avec toi là, puis je suis pas mieux. C'est bien évident. Tu n'as rien arrêté du tout. Tu as transposé. Moi, ça m'a arrangé. C'est mieux. Mais toi, tu n'as rien compris. C'est pas cesse d'emmerder un tel, puis commence à emmerder l'autre. Vous savez, il y a un phénomène intéressant dans notre société. Ou juste le fait de dire « belle-mère », ça veut dire bien les choses. Vous voyez? Ouais. Ça, c'est le syndrome de la femme qui joue à la mère. Les petites filles ont ce syndrome-là très très jeune, ils jouent au professeur, à l'institutrice, ou ils jouent à la mère. Ils jouent à la personne autoritaire qui punit et qui donne des ordres. Okay? Et grégorement, c'est le visuel du professeur, de l'institutrice, là, ou de la mère. Dirigé. OK? Et puis, souvent, ce qui va arriver, c'est que la femme, même en couple, va continuer à jouer à la mère avec son mari comme avec ses enfants. Et c'est ce qui va faire dire très souvent, oui, mais regarde, tu as deux enfants, par exemple, la mère et la femme va dire, ah oui, mais moi, j'ai trois enfants. Ils sont tellement pareils, ils ramassent pas ses bébelles, puis ils font pas ci, puis ils font pas ça. C'est sa façon de vivre. Toi, tu es une emmerdeuse. Là, tu vas dire, oui, mais à un moment donné, là, la maison est tout crottée. Reste plus avec lui. Tu sais, pour dire, tu penses, c'est facile. Tu n'as pas à éduquer l'autre. Puis le bonhomme fait la même chose, il n'a pas éduqué la bonne femme. Puis là, la belle-mère, c'est quoi? C'est quand la mère, qui n'a plus d'enfants, rentre dans le couple puis continue non seulement à être la mère du conjoint de sa fille ou de son fils, c'est pour ça que l'autre ne l'aimera pas, il hausse son dos. Hey, le genre doit être de la bru, t'sais, on s'en occupe, on les... non. Puis en plus, souvent, on embarque sur le dos des petits-enfants. Mais là, c'est assez rare, c'est le dos des petits-enfants, parce qu'on va payer les enfants pour qu'ils nous aiment à la place. On devient des grands-papas, des grands-mamans bonbons. Par contre, on va devenir des souvent belle-mère, beau-père, mais on a surtout les deux de la belle-mère, parce que souvent, l'homme est tellement, matriciellement parlant, assujetti à pas jouer le rôle d'éducateur. Souvent, ça change, évidemment, que normalement, il devient un beau-père tannant. Alors que l'homme est supposé, lui, aller, égrégorement parlant, aller chercher la subsistance à la famille. La femme, elle est dans la matrice qui va l'obliger à être l'éducatrice. Puis elle, normalement, une fois, donc, elle devient l'emmerdeuse de ses enfants, beaucoup plus souvent que le père. Le père, ça va être simple, le père devient l'outil souvent de la mère. Attends que ton père revienne, tu vas voir. Quand le père arrive, la bonne femme engueule le bonhomme pour qu'il batte les enfants, le bonhomme bat les enfants. Hein? Bon, après ça, la mère, bien là, elle vient cacher les enfants, parce qu'elle se nourrit, ils aiment, ça n'a rien à voir, on les aime. Mais on empoisonne. Et là, ce qui va arriver, c'est que quand la mère devient belle-mère, ou quand la bon, etc., ou quand la jeune fille devient femme, très souvent, elle continue à jouer le rôle. Puis là, c'est sûr que c'est facile, il faut bien comprendre le principe, c'est des égrégores. Alors, l'homme, progressivement, finit par rentrer dans un égrégore où il va rester souvent une personne qui ne sera pas tout à fait mature. Mais quand il va travailler, et maudit qu'il est mature, il rentre à la maison et puis il ne peut rien faire, le bonhomme. Pourquoi? Parce qu'il finit par vivre un compromis avec sa femme qui, elle, sert de stratégie astrale pour pouvoir suffisamment limiter le bonhomme pour qu'il ne puisse pas s'émanciper sur sa pleine capacité. L'égrégore de couple. Une chose. Maintenant, ce qui va arriver souvent, c'est que la femme dirige la maison. Il y a des exceptions, mais je vous parle planétairement parlant. Puis là, ce qui va arriver, c'est que quand la femme sort avec le bonhomme, il faut que la femme fasse la petite imbécile, la petite épaisse. Obligatoire. Sois belle et tais-toi. Bon, quand elle va sortir. La femme qui s'émancipe, elle va essayer de planter le bonhomme même dehors. Le bonhomme, lui qui s'émancipe, c'est lui qui est à la maison, il va essayer de planter la bonne femme même dehors. Puis ça crée des guerres d'égo sans rien avoir. C'est pas, tu peux être, bon, égrégorement parlant, normalement, la femme, quand elle sort dehors, elle suit le bonhomme. Le bonhomme qui doit goûter le vin. Elle est trop épaisse, ah ouais, c'est bon, reste en vie. Le bonhomme de commander, le bonhomme qui paye. C'est le bonhomme, c'est la petite bonne femme, elle n'a pas rien faire. Alors, à l'extérieur, égrégorement parlant, c'est la stratégie. On rentre dans un autobus, ben on laisse notre place à une femme. Tu sais, parce qu'elle, avec ses petites béquilles, elle va finir par tomber. Elle ne fait pas de ses souliers, là, je parle de ses petites jambes, même si c'est grosse. C'est la femme, c'est la faible. Puis rentre à la maison. Puis là, le bonhomme, il faut qu'il donne sa paye. Égrégorement parlant. Égrégorement. Il y en a encore ici qui vivent ça. Hein? Mais on parle d'égrégore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même dans l'émancipation des couples, à un moment donné, quelqu'un va dire, oui, nous, on ne vit pas ça. Non. Mais vous allez être associé au même maudit égrégore qui va faire en sorte que vous allez vivre les mêmes platitudes de couple avec des versions améliorées. Fait. Bon, j'ouvre plus la porte à ma femme. C'est avant, il fallait ouvrir la porte à ta femme, etc. Bon, parce que la femme, ça gèle plus vite qu'un gars dehors, tu sais. Ça fait connaissance, à un moment donné, faut que tu ouvres la porte, tu sais. C'est des idées macho, ouais. Là. Bon, sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait partie de l'égrégore. Alors, on a encore les mêmes stratégies aujourd'hui, égrégoriennement parlant, même s'il y a des choses qui sont éliminées, où l'homme et la femme vont s'empoisonner mutuellement la vie, toujours par missionnariat. À être... Ben oui, mais nous autres, les hommes, on est comme ça. Tu sais, bon. On crouse d'autres femmes, tu sais, on est comme ça. La femme va dire, mais toutes les femmes, on est comme ça. Bon. Fait qu'on dit que t'es pas correct, puis on s'organise, etc. Puis on lave ton linge, puis on place ça d'une façon différente dans ton tiroir, puis on organise tes bébêtes. Et nous, les femmes, on est comme ça. Mais c'est boire changer les femmes, puis c'est boire changer les hommes, à un moment donné. Faut que c'est pas ça. On empoisonne la vie de l'autre. Premièrement, il y a un principe évident, c'est qu'on... On s'arrange toujours, on parlait de dépendance, c'est le plus gros poison, on s'arrange toujours pour forcer l'autre à avoir besoin de nous autres. Fait que si on reste ensemble, on est deux homos, on reste ensemble, ben, ce qui va arriver à un moment donné, c'est que moi, je vais commencer à faire son linge, je vais faire des petits plats, je vais faire des petites belles. Pourquoi? Pour qu'il puisse plus me sacrer dehors, parce que là, il va te pogner à faire son lavage, il sera plus capable. Il va te pogner à faire la bouffe, il sera plus capable. Fait que là, il a besoin de moi. Fait que là, même si on s'aime plus, ben, il a besoin de moi. Fait que là, normalement, lui, il va faire la contrepartie masculine, ben, il va s'arranger pour me protéger, pour me réchauffer, pour me cajoler, m'ouvrir la porte, payer ma bouffe, pour me, tu sais, m'acheter. Passe à souffleuse. Ben oui, passe à souffleuse. Puis là, moi, je peux chioler qu'elle est mal passée, il faut bien que j'aie l'impression de faire quelque chose en cabane. Ah. Fait que là, lui, il la repasse un petit peu, puis là, il passe avec le balai, puis là, bon. Et toujours du chien, uniquement, puis là, ça, je parle sans clumer. Ouais. Là, on passe notre temps à s'empoisonner la vie. Normalement, là, on est en couple, il passe la souffleuse. Disons, c'est son contrat. Mais dans les couples, c'est pas ça que ça fonctionne pas comme ça. Il y a des jobs que c'est l'homme, que des jobs que c'est la femme. Sortir les poubelles, c'est qui? C'est la femme. Ça, j'ai appris ça. Il y a des jobs comme ça qui sont attribués. Et chez nous, c'est moi. Puis il y a des affaires souvent avec des enfants. Je comprends pas. Là, on va dire, oui, mais il est plus fort. La question n'est pas là. T'sais, la question n'est pas là. Mais il y a des affaires qu'on va attribuer comme ça. Alors, ça serait un peu la même chose. Par exemple, toi, tu passes la souffleuse, tu nettoies toute ton entrée. Ta femme, à soeur, est pas contente. Qu'est-ce qu'elle a à faire? Prendre le balai ou la pelle, puis finir. Fermer sa grande gueule, puis finir. C'est ça qu'elle a à faire. C'est ça qui arrive. Elle lave la vaisselle. Puis toi, tu trouves que c'est mal essuyé, là. Puis tu as la prends à bonne femme. Qu'est-ce que tu as à faire? Parfait. Faire la vaisselle. Fait que sa femme passe la souffleuse, il lave la vaisselle. Vous devriez voir ça. Mais ce que je dis là, c'est fondamental. Oui. Okay? C'est fondamental. Pourquoi? Parce que sans ça, on est toujours en train d'empoisonner la vie de l'autre. J'ai un de mes amis, j'en ai déjà parlé de temps en temps, lui, il s'était fait une blonde. Puis quand on allait en voyage, il vivait tout seul, il s'ennuyait sans une femme. Alors, il appelait sa blonde juste quand il y avait des alertes sexuelles, ou ben non, quand il y avait, bon, là, il appelait sa blonde. Mais c'était une petite maudite emmerdeuse, puis une petite maudite têteuse, puis une petite maudite dépensière, puis en tout cas, elle avait tous les défauts du monde. Et lui, ben, il l'appelait. Là, on part en voyage. On s'en va quelque part dans le sud, puis là, il a amené sa blonde. Puis là, là, une grande partie du voyage, quand elle n'est pas là, il est toujours en train de me dire, ah oui, mais si, moi, j'ai encore dit de cesser de dépenser avec mes cartes de crédit, tu sais. Puis elle dépense, elle ne comprend rien, elle a fait exprès. Là, il est sur son dos, puis là, son dos en train d'expliquer. Puis à un moment donné, j'ai dit, tabarnouche, tu connais le contrat, puis à chaque fois qu'on va dans le sud, tu l'amènes. Fait qu'amène la pu ou ferme ta grande maudite boîte. Elle dépense toujours, donne-y pas de carte. Oui, mais laisse aller, elle dit, ben, amène la pu. Sinon, donne-y les cartes, laisse-la dépenser. La main est empoisonnée. Non, c'est que lui, il voulait absolument la violer, donc quitter son énergie, à la condition qu'elle ne fasse rien d'autre que tout lui donner, puis c'est tout. Ouais. Écoute, tu voulais avoir une femme épaisse, tu n'as une. Mais dans son épaisseur, il y a des choses qu'il ne comprendra pas. Bon, amène la pluie ou ferme ta boîte. Ça, je le répète, la conférence d'aujourd'hui, là, elle est hautement importante. On peut décrocher les sphères des plans réactionnels, là. C'est le quotidien. Mais c'est pas juste le quotidien, c'est que la joie, c'est l'expression d'une énergie harmonieuse chez l'humain. Donc, on parle du bonheur à temps plein, là. La joie, c'est l'expression d'une énergie harmonieuse. Puis, l'homme, la femme, l'enfant ne parviendra pas à se conscientiser puis à être totalement centré chez lui s'il n'est pas capable, à un moment donné, de gérer l'énergie qui l'habite. Donc, ça veut dire mettre fin à l'empoisonnement au niveau de la vie. C'est fondamental parce que c'est une des clés matrices pour réellement pénétrer l'ère nouvelle. Puis je me fous de l'ère nouvelle spirituelle, là. Je parle de nouvelle ère. L'ère où les humains vont s'assurer de s'écœurer mutuellement. Ouais. Écœurez-vous les uns les autres. Puis écœure ton prochain comme toi-même. Toutes ces affaires-là, là. Bon. Je vais revenir au plus important, c'est-à-dire mon petit problème, là. C'est, il y a quand même dans la vie... Là, juste une chose, là, faites attention pour faire ramasser par les épaisseurs de la salle. Quand il dit mon petit problème, là, il parle de tout le monde. Hein? Ah, oui, il ne faut pas toucher les égos de ceux qui savent qu'on parle d'eux autres. Et en même temps, il y en a qui on parle d'eux autres, mais là, ils disent, oh, il n'y a rien qui parler de lui. Il y a des structures sociales actuellement, des structures là, qu'il faut changer. Non. Ou en tout cas, que moi, je ne peux plus endurer. Oui, la différence, hein? Les affaires chez ma femme, il faut changer. Non. En tout cas, je peux plus l'endurer. OK. C'est ça. Est-ce qu'on a le droit d'empoisonner la société? Avec toutes nos petites maudites idées, nos petites maudites revendications, nos petites maudites babelles. Oui, mais... Non, on n'a pas le droit. La majorité est d'accord. Tu dois de... Bon, les témoins de Jéhovah qui viennent sonner chez toi, comment tu les trouves? As-tu dû faire la même affaire au nom du supramental ou de l'intelligence? Non. Bon, c'est réglé. En cause du missionnariat, ils s'essayent par d'autres façons, là. Oui, mais il faut quand même que ça change. Non! Ben oui. Non! Ça va changer. Comment? Ils ne te regardent pas. Oui, si j'ai dit comment, il va se missionner pour le faire. Les choses changent. On en revient encore à la même chose. Sois toi, c'est tout. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout l'extérieur va fuir, tu vas le fuir, ou ça va bouger. Et tu n'as pas à le changer. Tu n'as pas à te dire, et là, on va changer telle affaire. C'est pas ça. Sois toi. Ça, c'est un autre sujet. Avoir une opinion de soi. Quand tu as une opinion suffisante, une opinion de soi, c'est pas de dire à l'autre, mon opinion, c'est telle affaire, moi, je suis pour telle chose. Ça n'a rien à voir. Une opinion de soi, ça veut dire que tu autorises toutes tes énergies à être rayonnées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on te demande ton avis, tu donnes ton avis. Si on te trouve épais, ben, tu plantes l'autre, tu finis l'autre, tu t'en vas, mais tu restes pas là niaisé. C'est une opinion. Mais tu te promènes pas pour changer la société. Pour empoisonner les autres. Mais non. Tu es toi. Tu te dis, oui, mais moi, quand où je travaille, là, si je suis moi, là, le monde, là, il trouve tout. Tu n'as pas d'opinion de toi. Une opinion de soi, c'est pas de changer les autres, puis s'ils acceptent notre changement, on va se permettre d'être nous autres. C'est pas ça, c'est ce que l'humain comprend. Et avoir une opinion de soi, ça veut dire que maintenant, moi, je rentre à l'heure. Puis quand je rentre à l'heure, j'ai l'air d'être têteux. Fait que là, il faudrait que je change le monde pour qu'ils pensent plus que je suis un têteux. Es-tu un têteux quand tu rentres à l'heure? Ben non, mais ça finit là. Oui, mais le monde, es-tu un têteux ou pas? Non. S'ils pensent que tu es un têteux, es-tu un têteux? Mais non. Ben, ça finit là. Ouais, mais le monde, ils vont encore penser que je suis un têteux. Parce que t'es un têteux. Ouais. Ben, c'est tellement, tellement facile. Toi, Laurent, le monde, il pense que t'es têteux. Es-tu têteux? Non. Ben, fais ce que t'as à faire. C'est ton opinion. OK? Avoir une opinion de soi. Être opinionnisé, c'est ça. Le reste, on s'en balance. Fait que souvent, c'est l'idée que l'humain se fait. Faut que tu convertisses l'extérieur pour qu'il puisse accepter que tu sois ce que t'es. Es-tu un têteux? Oui. Non. Mais s'il pense que t'es un têteux, là, tu l'es pas plus, non? C'est réglé. Là, je posais la question dans l'absolu, là. Moi, c'est Julien, là, des fois, on répond les choses. Alors, c'est la même chose au niveau de peu près n'importe quoi. Ça, c'est un autre sujet, on pourrait revenir là-dessus quelque part. Bon. Au niveau de l'empoisonnement, c'est important parce que c'est ce qui va déterminer... C'est énormément d'énergie. C'est plus, j'ai parlé un peu de l'apocalypse. Toutes les énergies, quand... Ben, 99% de nos énergies sont au niveau de l'empoisonnement des autres et de soi. Oui. Dernier PMC+, j'ai parlé de l'Apocalypse, puis j'ai expliqué que c'était une révélation, puis qu'une révélation, c'est ça qui était l'Apocalypse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas les guerres qui vont l'Apocalypse, c'est pas les guerres. C'est quand l'humain va se voir révéler que Dieu n'existe pas. C'est quand l'humain va se voir révéler que la science est dangereuse. C'est quand l'humain va se voir révéler les réalités qu'on commence à connaître. L'humain va tellement vivre des chocs psychologiques que l'humain va vouloir tuer ceux qui amènent la révélation. L'humain les guerres, ils vont en avoir partout. L'argent, ça vaut rien. Ben non, c'est ça, c'est des révélations. Maintenant, ce qui va arriver, c'est pour ça que d'ailleurs, Jean disait que même les enfants vont se révolter contre leurs parents, etc. Parce qu'à un moment donné, on va vouloir détruire tout ce qui nous amène des révélations. En Apocalypse, l'humain n'a vu que dans la matière. Donc, tu sais, l'Apocalypse, c'est révélation. Mais là, ce qui arrive, c'est que ce que je compte aujourd'hui, c'est ce qui va permettre à l'humain d'échapper à l'Apocalypse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que le mari ne se monte pas contre sa femme, la femme contre le mari, pour que les enfants ne se montent pas contre leurs parents, les parents contre les enfants, le frère contre la soeur contre le frère, le frère, etc. Pour que l'humain qui a des affinités ne se monte pas les uns contre les autres lors de l'époque des prochaines révélations, il faut absolument qu'on soit capable d'être centré sur soi, il faut absolument qu'on ait totalement déconnecté les mécaniques qui empoisonnent. Parce que la journée que moi je vais commencer à révéler des choses, la majorité des structures qui sont maintenues cohérentes à partir de l'astral vont totalement être détruites. Ça veut dire que si tu aimes tes enfants uniquement en fonction de l'astral, quand je vais commencer à parler de certaines choses dans quelques temps, nécessairement, votre noyau familial va totalement éclater. Et là, le noyau d'amitié aussi, parce que vos égos vont éclater. Et vos égos sont assujettis à une mécanique magnétique qui est identique à ce qui assujettit les humains entre eux. Est-ce que c'est nécessaire ou obligatoire? C'est pas nécessaire ni obligatoire, c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. Bon, ça règle rien à faire. Hein? Bon. T'as pas besoin de le faire, là. Non, non, non. Ça va faire seul. Une nuance. Okay. Une nuance. C'est ce qui va faire en sorte que, puis là, moi, je commence progressivement à révéler des petites choses dans le social, dans la population. Et ces choses-là, c'est puis les gens vont dire souvent, « Oui, mais M. Kem, c'est dangereux en maudit ce que vous dites là! » Effectivement, c'est sûr que c'est dangereux ce qu'on dit là. C'est comme, fais juste dire, ben, retourne 30 ans en arrière ou 50 ans, puis dis aux femmes, mesdames, vous êtes intelligentes et vous auriez le droit à plus. Hey, dangereux en maudit, ce que vous dites là, M. Kem, c'est vrai, ça va rendre des crises sociales. La bonne femme, elle va lâcher les chaudrons, elle va aller travailler sur d'autres bebelles. C'est vrai que c'est dangereux. Quand moi je dis aux enfants, vous êtes intelligents, puis il y a des droits qu'on vous donne pas, c'est dangereux en maudit ce que j'amène là. Eh oui, c'est dangereux. Ce que j'explique aujourd'hui, ça va faire en sorte que les humains vont être capables d'échapper au choc des révélations. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand toi, tu vas être le porteur d'une révélation, pas missionné, tu vas comprendre des choses, conscientiser des choses, commencer à le rayonner et à l'exprimer, mais ceux qui ne sont pas dépendants de ta démarche pour être heureux ne seront pas détruits par ta révélation. Parce que ce qui va arriver, c'est qu'au fur et à mesure, plus on va être dépendant, puis là, comprenez bien. Si vous êtes dépendant, maintenant ta femme est dépendante de toi, puis elle dit, « Ah, crime, c'est vrai qu'un genre va commencer à être plus brillant qu'il est là, elle va souffrir en maudit, fait que m'a coupé avec lui, puis je vais m'amoucher avec un autre. » Non, dans les années qui viennent, tous les humains vont vivre des révélations. Les égos vont se fragmenter sous le choc des révélations. Alors, ce qui va arriver, c'est que toutes les personnes dépendantes dans leur bonheur de la démarche de vie d'autrui, donc des plans de vie des autres, autrement dit, tous les individus associés karmiquement à autrui, vont vivre un apocalypse. Puis quand je parle d'un apocalypse, là, je parle de tout ce qui a été prophétisé en termes de saveur, puis de un peu plus. Ça va être extraordinairement puissant. Je parle pas juste de la mort des corps physiques, puis de toutes les conneries qui vont arriver, mais les déchirements au niveau des égos, les déchirements au niveau émotif. Parce qu'à un moment donné, ton fils, ta fille, ton fils, il finit par se connecter, puis commence à rayonner une révélation. Tu ne pourras même plus le têter, tu ne vas plus rien faire, ça va se déchirer totalement à l'intérieur de toi, parce que tu vas carrément te renier. Tant, pourquoi il va te relier en tant que vestige de l'ère préhistorique? Cro-Magnon. Ah oui, oui, homme des cavernes totales, Australopithèque. On dit Australo. La différence entre un porteur de révélation et un missionnaire? La différence, c'est que le porteur de révélation, lui, est porteur comme le porteur d'une maladie, puis le missionnaire, lui, il a ça dans ses seringues, puis il essaie de donner la maladie à tout le monde. Pour un mot porteur, là. Parallèle est à peu près parfait. C'est-à-dire que toi, à un moment donné, tu sais des choses, puis dans ton vécu, ça se rayonne. Les gens l'attrapent. Alors, tu es missionnaire, tu l'as appris, ou bien non, tu le sais, tu restes branché là, puis là, tu veux le donner à tout le monde. OK. Okay? Alors, le porteur d'une maladie, ben où ce qui passe, il y a des maladies, la maladie se développe. C'est-à-dire que le donneur, le missionnaire de pathologie, ben lui, il veut la donner, il reste dans le village, il faut qu'il pique tout le monde. Lui. Bon, au niveau d'intelligence, ça fait la même chose. Le missionnaire, il va vouloir rendre les gens intelligents, puis l'intelligence n'est pas allergène. Pas allergène, mais ça ne s'attrape pas. Parce que le porteur va faire que les gens... Ben, ceux qui sont prêts vont se réchauffer. Ceux qui ne sont pas prêts, ils se réchaufferont pas. Ils vont se refroidir par différence de potentiel. Mais pas parce qu'il y a une mission, un vouloir ou quoi que ce soit. Ça m'éclaire. Parce que les choses vont se faire comme ça. Regardez ceci. Tu veux te missionner, tu rentres quelque part, puis tu aimerais... Non. Tu veux rendre le monde intelligent. Là, tu vas travailler, puis là, ça fonctionne. Hein. Quand on se missionne, ça marche toujours au départ. Parce que tout ça qui aurait été changé, de toute façon, on change. Fait que là, on dit que ça fonctionne. C'est vrai que je suis missionné. Regarde, j'ai réussi à en convertir 35 sur 3000. Mais ça fait que 2 mouches. Là, tu continues 36. Là, 37, là, après 4 mois. À un moment donné, tu en ramasses quelques autres, mais eux ont ton intelligence. Ils ne comprennent rien, les disciples. Okay? Et puis, à un moment donné, ben là, après 200, 300, 400 ans, tu travailles. L'autre, lui, il n'est pas missionné. Il rentre dans un autre village. 2000 aussi. Après 2 mois, 35 personnes avec lui. Après 4 mois, il y a ça qui est son camp qui est 35. Il a rencontré un autre là-bas qui n'est pas missionné, qui en avait 35 lui aussi. Ils sont 75. Tu étais toujours avec tes 37, tu es là, tes disciples, tu travailles comme un con. Eux autres, ils sont partis ailleurs. Puis à un moment donné, ils sont suffisamment nombreux pour créer un nombre de formes suffisamment puissant que ça rejette l'astral à l'extérieur. Ils peuvent se bâtir une société qui va être idéale. Ils peuvent même, à un moment donné, être parallélisés, être transportés. Alors que toi, tu continues toujours à faire s'il n'y a rien à faire, puis etc. Puis voilà. Fait que être missionné, il n'y a pas de problème, ne dérange pas du tout. C'est chacun son karma. Ouais. Mais quand on a médité en bien, parce que lui, avant, il était missionnaire, hein? C'était séparatiste au maximum. Juste quand je lui ai dit, écoute, que tu le fasses ou pas, il va se séparer pareil. Ah oui? Je perds mon temps, bon, exact. Mais c'est vrai. Là, maintenant, tu peux relaxer, tu es libéré de ça au complet, puis ça marche plus vite qu'avant que quand ça l'occupait. Effectivement. Puis est-ce que ça se sépare ou pas, on n'a rien à foutre, parce que l'important, est-ce qu'il faut un Québec souverain ou s'il faudrait simplement des humains souverains? Faut que je me sente dans mon intelligence. Ben voilà. Fait que qu'on soit assujetti, qu'on soit planétaire, qu'on soit séparé, qu'on n'a rien à foutre. Bon, la séparation est une évidence tant que tel problème, parce qu'il faut absolument que le Canada se sépare, que le Canada va arriver à s'émanciper. Mais c'est totalement vrai. Le Québec, on fait la même chose. Puis souvent, moi, quand la femme s'est libérée, elle a libéré l'homme. L'homme a appris à faire la cuisine, il a appris à changer des couches, il a appris à faire du lavage, il a appris. Et c'est génial pour un homme. La femme a appris à faire d'autres choses, mais tout le monde, il gagne son profit, même si ça ne paraît pas au niveau des spiritualités. Donc, c'est extrêmement important de bien comprendre la mécanique des empoisonnements. Puis là, pas parce que vous empoisonnez l'autre. Non. Parce que vous ne serez jamais heureux ou heureuse. Vous ne serez jamais capable de vous servir pleinement de votre intelligence quand vous êtes un empoisonneur d'autrui. OK? C'est pas pour l'autre qu'il faut cesser d'empoisonner. C'est pour soi. Ça, c'est une mission, ça. Ah oui? C'est pour l'autre. Si c'est pour l'autre, tu te missionnes à cesser d'empoisonner l'autre. C'est pas génial. C'est pour toi, tu te missionnes pareil pour toi, là, mais en tout cas. Mais là, c'est pour soi qu'on doit cesser d'empoisonner autrui. Si quelqu'un, dans sa démarche, vous fait souffrir, sachez que vous êtes dépendant. La démarche planétaire, c'est de casser la gueule à l'autre pour l'obliger à changer par la culpabilité, par les chicanes, par un paquet d'affaires, et vous ne serez jamais heureux là-dedans. Quand l'autre finit par être votre petit esclave soumis, je le répète, subitement, vous ne l'aimerez plus non plus. vous allez recommencer à tout faire pour qu'il revienne comme il était. Puis là, vous allez dire, oui, mais pas autant que ça, puis là, on recommence encore à planter l'autre. Alors qu'on doit simplement laisser l'autre être. Ses enfants, comme n'importe qui. Mais ça, c'est une des démarches. Première démarche, cesser d'empoisonner autrui pour rapatrier nos énergies chez nous. OK? C'est un gars plate. Mais mange la marde. C'est simple, il faut que ça se brasse au niveau du mental. Ça me fait souffrir. C'est là que ça devient intéressant. Quand tu es capable d'être mental, il ne faut pas que tu te défoules. Et c'est de ta faute si je suis malade. C'est sûr que c'est pas de ta faute. Tu es la cause. Mais c'est à moi de régler mes affaires. Okay? Tu es la cause. Tu me stresses tout le temps. À un moment donné, il va falloir que je place quelque chose quelque part. On reste plus ensemble ou je t'arrête net. Bon. Et quand tu me stresses, il faut que je vérifie. Tu me stresses parce que tu es fonctionnel ou tu me stresses parce que tu es toujours en train d'être sur mon dos. Ce que t'aimes, puis il te la met sur un support le soir, tu l'accroches, le lendemain matin, et puis là, il y en a une autre. Elle est au lavage déjà. Elle t'aime. Non, mais tu vois l'idée? Oui. Bon. Mais à un moment donné, là, l'autre, là, il carrément, tu vis plus. Tu vis plus, même plus besoin d'avoir un cerveau. Plus besoin. Tu sais quel bouton de manchette tu mets, sont déjà après la chemise. Tu as juste à les mettre. C'est tout. La même affaire pour l'homme qui va aider la femme comme ça. Oui, mais je l'aime, puis nous autres, on est comme ça, puis quand on s'aime, on devance l'autre, puis on se fait des petits, on s'écarte, puis on s'emmerde. Bon, de vous, la même cravate, ça paraît épais. Mais, qui s'en regarde? Puis si le monde ne sont pas assez évolués, puis te le font remarquer, si tu souffres avec ça, ça changera. Puis si on reste ensemble, qu'est-ce que j'ai à foutre de te parler de ta maudite cravate? Je vais envenimer nos relations. Parce que je tenais qu'il y ait sa cravate, en réalité, c'est pas ça. C'est parce qu'il faut absolument, je me missionne à l'organiser pour qu'il paraisse bien. Fait que là, on va lui mettre ses cravates, mais il dit, je vais choisir des cravates, on va tout organiser. Là, je ne fais que l'empoisonner. Ça fait 20 ans que Fidel Castro porte le même mot du chapeau. Il n'y a personne qui l'a dit. Ils n'ont pas le droit d'opinion. Mais au moins, ça coûte moins cher d'habiller son dictateur. Mais c'est un drainage continu. C'est sans arrêt un drainage. Alors, on doit s'arranger pour bien faire attention, tant mieux. Il faut cesser de vouloir faire plaisir à autrui. Cesse de vouloir faire plaisir à ta femme ou à tes enfants, puis vice-versa, de leur part. Ah oui, mais ça va être plate. Oui, ça va être plate. Parce que l'empoisonneur et le têteur ne pourra plus avoir l'impression qu'il dirige l'autre, qui est le maître de l'autre. Mais ce qui va arriver, c'est que tu vas tellement bien que tu vas de toute façon faire plaisir à autrui. Mais là, pas parce que tu veux faire plaisir à autrui. OK? Comprends la nuance? Cesser de vouloir faire plaisir. Pas cesser de faire plaisir. Cesser de vouloir faire plaisir. Parce qu'on est toujours en train de piquer les énergies, on est toujours en train d'empoisonner la vie de l'autre. Oui, mais de temps en temps, là, bon, il m'a acheté une petite bebelle, puis il me l'amène. Oui, mais sur le moment, là, il est en train de, puis subitement, il a eu l'impression, puis l'intuition, puis il l'a acheté. C'est correct, ça. Il te le donne, ça fait plaisir. Puis si tu le veux pas, il faut que tu puisses l'acheter. Parce que si tu peux pas l'acheter, t'es un empoisonneur. Il faut couper ça. J'ai eu un cadeau, moi, là, un an ou deux, de ma mère. Je l'ai jeté, son cadeau. Puis là, puis regarde l'astral commencer, hein. Ça fait longtemps que je l'ai jeté. Là, subitement, ma femme a découvert que je l'avais jeté. Fait que dans les minutes qui ont suivi, il fallait que ma mère appelle pour lui demander si je l'aimais bien, le cadeau. Des boutons de manchette. L'astral, comment ça fonctionne? Ah, c'est obligatoire. C'est une bonne mécanique. Non, mais c'est important. Fait que là, ma femme a dit, ouais, mais là, j'ai fallu que je compte une menterie. En réalité, puis moi, j'étais content qu'elle ait compté de menterie. Parce que là, ma mère, elle sort d'hôpital, puis c'est peut-être pas ma belle tête de dire quel cadeau qu'elle a acheté derrière l'Espagne, puis c'est de l'or qu'elle a après, puis ça, je l'ai jeté. Mais en réalité, on s'est fait ramasser parce qu'il aurait fallu qu'on soit transparent. Ah, les boutons, non, ils les aimaient pas. Ah non? Ah! Puis ma mère, je la connais. Ah, ben d'abord, m'a dit qu'il me les ramène, mais donné à quelqu'un d'autre. Ouais, parce que ma mère, c'était comme ça, elle. Ouais. Hey, c'est beau, ça! De, non, c'est laid! Hey, non, c'est beau, ça coûte 200 piastres! Et c'était comme ça marchait. Bon. Alors là, c'est tout compliqué. De lui expliquer. Non, ils ont jeté. Et là, sauf qu'un jour, dans pas grand temps, l'Apocalypse, ça va être ça. Ben, on va le savoir. Non, elle écoute pas mes cassettes. Okay. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut absolument que l'humain développe sa transparence au maximum. Parce qu'à un moment donné, là, il y a quelqu'un qui t'appelle, qui te tête, c'est ton frère. Oui. OK? Et puis, toi, tu te demandes, tu raccroches, puis alors, si tu têteux, là, tu dis... Non. Là, tu es missionné. Là, tu es encore en train de dépendre, puis de faire, de mener ta vie en fonction de ses besoins, parce que tu ne veux pas le rendre malheureux, donc tu te fais des compromis. Fait que lui, là, il t'empoisonne. C'est la vie de couple. C'est la même chose que la vie de couple. Ton ami, moi, mais j'ai pas pu... C'est la même style d'affaire. Fait qu'à un moment donné, là, ma mère a téléphone ma femme, puis elle lui dit, bon, ça va être la fête à Daniel, là, qu'est-ce qu'il faudrait que j'y achète? Moi, là, j'ai jamais besoin de rien. Fait que ma femme, elle, à ma fête, elle n'aura le bol, parce que j'ai jamais besoin de rien. Fait qu'elle se casse plus trop la tête. Puis ma mère a jamais compris ça. Fait que là, ma mère, elle demande à ma femme ce que je veux. Fait que là, ma femme, t'en beau maudit, parce que là, faut la faire voir, c'est le problème de ma mère. Mais là, elle veut pas expliquer, ma mère a jamais rien compris. Moi, j'étais jeune, ma mère, elle me disait, ah oui, c'est un gars qui pourra jamais rien décider plus tard. Je veux rien. Je faisais du judo, t'as chaque année m'acheter un kimono neuf. Qu'est-ce que tu veux ta fête? Achète-moi un kimono. Ah, encore un kimono! Et il a mis usé. Ah, mais t'as pas d'autres idées, t'as pas. C'est ça, là, t'es un empoisonneur. Ah, tu décideras jamais, t'es une lucky man, plus tard. Ah, oui, non, là, mais t'es plein, tu sais. Aujourd'hui, tout ça, là. Mais non, m'empoisonner. Qu'est-ce que tu veux? Rien. Parfait, c'est ce que je vais te donner. Rien. Non, mais c'est pas mal. Là, regardez bien le temps des fêtes. Non, on recommence encore avec les mêmes maudites bébelles. C'est très, très important parce que vous allez souffrir énormément, puis votre entourage va souffrir. Puis tant qu'à souffrir votre entourage, qui souffre donc tout de suite, puis qui vous laisse donc un peu plus de bonheur. Sans ça, ça va tout souffrir pareil. Et vous aussi, là-dedans. Vous aimez, ben normalement, on fait souffrir au maximum ceux qu'on aime le plus. Pourquoi? Parce qu'on empoisonne radicalement leur vie, parce qu'on veut, on est carrément à leur place. Parce qu'on s'aime pas assez aussi. Ben c'est évident qu'on s'aime pas assez. On a besoin qu'ils soient totalement à notre image, puis qu'ils nous aiment, et en tout cas, il n'y a pas qu'à faire, donc c'est compliqué. Mais je vais parler en masse, ça ne pas de revenir là-dessus, mais ça devient plat. Mais c'est très, très, très important de cesser d'empoisonner la vie d'autrui, parce que sans ça, nous, on ne peut pas être heureux, on ne peut pas être centré, puis notre intelligence ne peut pas servir, on ne peut pas être des créateurs. On n'arrivera pas à exprimer la créativité au niveau de l'esthétique supramentale. Et en plus, donc, première chose, cesser d'empoisonner la vie d'autrui pour nous. Deuxième chose, refuser obstinément les poisons venant de l'extérieur. Donc, ça ne veut pas dire, bon, vous allez à Noël chez vos parents, puis là, à 20h, vous décidez que vous partez. Ça y va, il y a 8h, il a promis que tu resterais. Bon, je n'avais même pas besoin de promettre, hein. Il a promis que tu resterais, ben voyons. Ben là, c'est à vous de décider que vous partez. Puis là, il faut bien faire comprendre, puis c'est drastique, mais c'est comme ça. Puis là, dites-le pas, c'est moi qui te dis ça. Écoute, j'étais content de venir, je m'en vais, puis là, plus tu insistes, plus je regrette d'être venu. C'est vrai, en plus. Bon. Mais il faut apprendre à trancher. Parce que sans ça, vous allez continuer à mettre de l'énergie dans la haine de l'humain, à mettre de l'énergie dans la haine de l'astral, à mettre de l'énergie dans la haine de vos faiblesses, à mettre de l'énergie dans plein de maudites babelles. Puis après ça, vous allez essayer de missionner vos parents pour qu'ils comprennent, ou la visite pour qu'elle comprenne qu'elle doit s'en aller. Vous voulez, voilà quoi. Donc continue. Bon, et ça, c'est une petite notion de babelle. Il faut absolument parvenir. Comment voulez-vous être heureux? À un moment donné, là, vous en avez ras-le-bol du têteux puis de la têteuse. Puis vous êtes têteux et têteur. Têteux et têteuse. Vous êtes pareil. Si on l'accepte. Puis là, la mentalisation a dit, ah oui, mais c'est pas pareil. Parce que quand tu fais têter, là, c'est mauvais. Mais quand tu têtes, c'est pas pareil. C'est jamais pareil. Fait que c'est ça qui est le bien important. Tu veux pas aller, je parle trop de Noël, parce que c'est une crise mondiale. Bon, tu veux pas aller fêter à telle place, et t'exiges en maudit que ceux que t'as invités viennent fêter chez vous. Tu décides de sacrer ton camp à telle heure. Et chez un de tes amis ou quelqu'un de la famille chez vous qui décide de partir à telle heure, tu vas être là pour le têter, puis il demande de rester, il va mourir de temps. Même un style d'affaires. J'ai pas eu assez de temps. Ouais, viens-tu voir un film à soir chez nous? Ah, j'ai pas le goût. OK. Là, deux semaines après, t'en loues un bon. Viens-tu voir un film? C'est toi qui m'invite. Ah, j'ai pas le goût. Ah, ça va être bon, là. Puis là, tu tombes autour de moi. J'ai dit, oui, tel film, c'est pas fini, t'es acheté. Là, on fait la même maudite babelle, on est des empoisonneurs. Si je suis trop épais pour accepter de m'aimer suffisamment, pour m'autoriser à aller chez toi parce que j'aime ça, ben, à un moment donné, tu feras une réunion juste pour me le dire. Et fais pas des enguirguillements à chaque fois, parce que là, ça marche plus, c'est rien d'empoisonneur. Quand vous étiez jeune, parce qu'un jour, vous fûtes jeune, la morale, vous détestiez ça, n'est-ce pas? Mais c'est ça, c'est de l'empoisonnement. Il y a bien des façons de faire de la morale. Puis quand on empoisonne, c'est de la morale. Tu gueules, tu culpabilises, de la morale. Tu dis qu'il faudrait, c'est de la morale. Tu dis que tu l'aimes, c'est de la morale. C'est juste la même affaire. C'est de l'empoisonnement. La morale, c'est le deuxième plus grand empoisonnement. Non, c'est la même affaire. C'est la même affaire. C'est l'empoisonnement. Même chose, c'est la même affaire. C'est pas le deuxième, c'est la même affaire qu'on discute là. C'est une stratégie pour aller empoisonner l'autre. Alors, c'est extrêmement important de comprendre le principe parce que vous devez cesser d'empoisonner pour rapatrier vos énergies. Au départ, vos égos, vous ne laisseront pas aller, l'astral non plus, parce que vous ne pourrez pas être capable de vous aimer tout seul. Vous devez vous missionner. Les parents ont souvent de la difficulté là-dedans parce que s'ils semblent s'occuper moins de leurs enfants ou de leur laisser plus d'opportunités, bien immédiatement on leur fait dire t'es pas un bon parent, tatatatata. Voilà. Puis sinon, sans famille, on va mandater à la famille ou les amis pour le dire. Ou l'école. Un jeune qui arrive en retard à ton cours, là, tu le laisses rentrer, là, c'est pas long, ça va te laisser la société sur le dos. Puis il arrive tout le temps, puis il va même commencer à aimer ton cours. Quand ton cours va être aimable, il va arriver à l'heure. Ça arrive encore en retard, même s'il aime ça, c'est un retardé génétique, oublie-le. Il va être en retard toute sa vie. Bon, ça fait que fais de la pédagogie à la place, laisse faire le retard. Mais non, parce que si tu n'empoisonnes plus, là, on va commencer à te critiquer, pas te juger. Faut que tu empoisonnes les jeunes. Faut que les jeunes empoisonnent les adultes. Faut que tout le monde s'empoisonne. Et moi, ce que je vous explique bien, il faut mettre fin à ça. Pas le missionner, là. Non. Genre, encore des fois. Mais tu ne vas pas dehors dire à tout le monde, porter la bonne nouvelle, c'est de vous empoisonner, de vous écœurer. Ils vont dire, parfait, comment? Fous la paix. C'est ça. Bon. Va-t'en dans le bois. Va-t'en dans le bois, c'est ça. Va empoisonner les épinettes. Les épinettes. Maintenant, donc, c'est très, très, très important parce que toute la stratégie de perte d'énergie puis de rattachement au plan astro, la majorité est basée sur cette mécanique. OK? Tout ce qu'on a expliqué, puis il y a d'autres choses sur lesquelles on va revenir dans d'autres conférences, on va continuer à expliquer pourquoi il se passe ceci, etc. Mais en résumé, banalement, humainement parlant, on passe notre temps à écœurer les autres. Et je reviens encore sur le phénomène de récupération très dangereux. Toi aussi, tu peux tout le temps m'écœurer. Pourquoi? Parce que tu n'écoutes pas ce que je te dis. OK? Mais dans ce temps-là, tu as le droit de me répondre. Ah, je t'écœure quand je t'écoute pas. Mais j'ai le droit de t'écœurer, puis il va continuer à t'écœurer. Puis là, l'autre qui récupère va dire, parfait, moi aussi. Là, toi, faut que tu me donnes 3-4 bonnes claques d'en face ou que tu me calisses dehors dans la rue. OK? Parce que le jeu ne peut pas se jouer là-dessus. Si vous vous laissez embarquer dans une stratégie astrale comme ça, vous ne pourrez pas vous en sortir tout de suite. Et puis là, on maudit pénible en sacrebleu. Si l'autre est trop refroidi pour comprendre ta démarche, explique-lui pas. Plante-la, l'autre personne. Donc, on sort pas sa rue, là. Moi, vraiment, qu'il y a une personne qui vient nous accrocher, là, faut qu'on la plante. Rien à voir, ça, là. Moi, je parle de notre entourage. Ton patron. Prenez le harcèlement sexuel. C'est le bien des façons, ça, là. C'est pas rien que pincer les fesses. Aujourd'hui, on pince bien les fesses parce que c'est vraiment sans cours. Mais on passe d'autres façons, là. Bon, ben, à un moment donné, là, toi, t'es une femme, tu te fais harceler sexuellement. Il y a des femmes aussi qui harcèlent sexuellement les hommes. Ça paraît moins, les hommes n'iront pas s'en vanter parce que ça a l'air de maudite tapette, tu sais. Une femme qui te court après, la bête du coin, elle te court après, elle était fait en tabarnouche. Ça fait longtemps que je vais rien couvrir, j'ai avec. Fait que les hommes n'en parlent pas, ça paraît mal. Ce qui arrive simplement, ben là, tu coupes tout. Moi, oh, mais je perds ma job. Perds ta job. Tu perds ta vie. Pas rien. Ah, mais c'est dangereux ce que tu dis là, Daniel. C'est pas dangereux ce que je dis là. OK? Si tu vas lâcher ta job, de toute façon, tu perds ta vie, de toute façon, tu souffres en attendant. Moi, ce que j'explique simplement, c'est que la personne qui dit à quelqu'un, écoute, veux-tu me lâcher? Ah, ben là, on commence à discuter, là. Puis à un moment donné, la personne, elle veut bien te faire comprendre que tu l'as fait chier autant qu'elle te fait chier. Fait que, change, puis m'a changé. Là, faut que tu observes. Es-tu sur son dos? Oui débarque. Puis elle, quand elle est sur ton dos, débarque là. Bon. Es-tu sur son dos? Non. T'as rien à changer. Tu l'écartes, tu la fais chier, tu la déranges, tu n'as rien à changer. OK? C'est ton intelligence qui la dérange. C'est le fait que tu es libre qui la dérange. C'est le fait qu'elle ne peut pas te posséder qui la dérange. C'est le fait qu'elle ne peut pas te manipuler qui l'écarte. C'est évident que tu l'écartes au maximum. Mais uniquement à cause d'elle. Parce que tu es mal élevé. Elle a tout remis son bonheur entre tes mains, puis tu as l'audace de le laisser à faire et de t'en aller. Tu n'y remets pas. Mais tu l'écartes. Puis là, elle, est-ce qu'elle est sur ton dos? Est-ce qu'elle décide dans ta vie? Est-ce qu'elle manipule tes objets ou tes affaires? Est-ce qu'elle s'immisce sans arrêt dans ton émotif? Débarque là. OK? C'est clair. C'est dangereux. Pour ce que je dis, j'aime être dangereux. Est-ce que vous pouvez comprendre que ça peut être dangereux? Ouais. C'est vrai. Ouais. Bon. Alors, il faut bien comprendre l'idée. On n'arrive pas tout à l'heure chez soi, ceux qui sont en couple, un couple décuplé, là. C'est-à-dire qu'il y en a un qui se conscientise, puis l'autre trouve ça épais, là. Bon, on n'arrive pas à la maison tout à l'heure, puis là, on commence, je suis un gars qui a acheté un ping bang. Non. On rentre à la maison, puis on est soi-même. L'autre, il commence à embarquer, on le débarque tout de suite. Là, il va continuer, on le débarque tout de suite, il ne fait pas de sermon, on le débarque. On va travailler lundi, là, puis il y a encore du monde qui nous... on les débarque. Les débarquer, c'est pas d'être violent. C'est de ne pas embarquer dans leur jeu. Ah, c'est encore en retard! J'ai déjà expliqué souvent comment on répond à ce genre d'imbécilité. Bon, on n'essaie pas de se justifier. On n'essaie pas de s'expliquer. Si c'est mentalement que quelqu'un, il ne dira même pas ça. Puis si la personne est réellement centrée dans son intelligence, vous commencez à vous justifier, elle va vous dire, écoute, justifie-toi pas, je ne veux pas que tu justifies. Puis si tu t'aimes pas assez, ça va être doublement besoin de justifier. Tu n'arrives pas à discerner s'il dit ça, écoute, t'as pas besoin de justifier, tu sais, ça ne sert à rien, t'es mort. Ou ben non, t'as pas besoin de te justifier, ça ne sert à rien, t'es vivant. Tu sais, t'as pas besoin que nous autres. Personne n'est plus capable de discerner là, si t'as niaise ou ben non, si tu l'acceptes. Alors, c'est très, très, très, très, très important pour éviter les mécaniques d'apocalypse qui se dessinent présentement dans l'astral. Dans la matière, c'est pas là, le petit gars, le petit pète, etc., c'est pas ça, là, c'est pas des apocalypses, là. Ça, c'est des préparations, on a entraîné les forces. Bon. Et on prépare l'humain au contact intraterrestre, au contact extraterrestre, à l'intervention militaire extraterrestre, au déménagement d'humains qu'on appelle les élus, 144 853 personnes qui vont faire partie du premier transport. Il y aura d'autres transports. On prépare l'humain. Puis l'apocalypse, c'est pour préparer l'humain au niveau des guerres. Pourquoi? Parce que l'apocalypse était tellement puissamment inscrit dans l'intelligence de l'homme qu'on l'a dénaturé et qu'on l'a placé dans l'astral de l'humain. Alors l'apocalypse, on l'a envoyé sous forme de révélation de guerre physique uniquement parce que l'apocalypse était révélé à l'humain pour précipiter l'humain dans la déchéance. C'est-à-dire qu'au lieu de te rendre compte que l'apocalypse n'a rien à foutre avec les inondations, les tremblements de terre, les guerres, les famines, les épidémies. C'est pas ça l'apocalypse. L'apocalypse fait partie de la révélation, puis la révélation, c'est le choc psychologique que l'humain va vivre lors des révélations. Quand on va voir, par exemple, que l'Antéchrist, il y en a un maudit paquet, puis qu'il y en a plusieurs qu'on connaît déjà, quand l'humain va découvrir à un moment donné que ces grandes divinités l'ont fourré, puis l'ont massacré, puis l'ont fouetté, ça, c'est des révélations. Apocalypse veut dire révélation. Alors, l'humain s'approche d'un apocalypse. Et l'apocalypse des autres, c'est celui qui va se dessiner par les souffrances psycho-émotives et physiques à cause des guerres. On va taper la gueule à tous ceux qui ont des révélations qui viennent démolir nos structures égoïques. De ce point de vue-là même, même Dieu va arriver avec des armées. C'est parti encore des mécaniques extraterrestres qui viennent taper la gueule à l'humain parce que des révélations vont se faire un peu partout. L'apocalypse, c'est pas un apocalypse planétaire. La révélation va se faire au sein même du peuple intraterrestre. J'ai déjà dit 3-4 fois comme ça que l'humain était la solution intraterrestre. L'élite, l'élu. Les intraterrestres vont vivre une révélation choc. Puis dans les premiers temps de la révélation, ils vont être capables uniquement de décoder qu'ils sont totalement perdus. Il n'y a rien à faire avec l'humain. Les mélanges réussiront jamais. Bon. Puis l'humain est la solution clé à la création. Au-delà d'eux autres. C'est leur apocalypse. Ouais, eux vont voir, on devient l'esclave de l'homme, ou on se suicide, ou où on se venge pour rien. On meurt tout le monde. On pêche nos bombes nucléaires des deux côtés, tu sais, puis il ne reste plus rien, tu sais, au moins. Dans le genre du couple du meurtre passionnel, tu sais. Ouais. Si on n'a rien, ben ils l'auront pas non plus. T'es tout seul, puis tu te suicides, bon. Les extraterrestres vont avoir une révélation énorme. La majorité des guides spirituels vont avoir une de ces révélations. Les maîtres du monde vont avoir une révélation aussi. Puis les égaux petits, médiocres, égaux humains vont avoir toute une série de révélations. Alors ça sera extraordinairement terrible. Sauf pour l'humain qui est capable de se centrer suffisamment pour ne pas dépendre de temps en temps son bonheur ou dans sa joie de la démarche évolutive des autres. Vos enfants vous rendent heureux quand ils réussissent bien. Vous êtes des empoisonneurs. Faut pas vous culpabiliser, on parle mécanique, là. Donc, lâchez vos enfants. Et s'ils réussissent bien, c'est merveilleux, c'est esthétique. Buvez l'énergie de l'ordre de l'événement. Puis si on voit l'énergie de l'événement du point de vue réellement énergétique, sur le rive corps astral ou les autres plans, quand l'enfant réussit moins bien, on se prépare. Parce que c'est pas l'ego qu'on a nourri. L'ego a besoin de répéter les mêmes événements. Quand on nourrit un corps astral, on n'a pas de rituel, on n'a pas d'habitude. Quel que soit l'individu qu'on rencontre ou l'événementiel qu'on va vivre, s'il est esthétique, il nous nourrit. Si on nourrit une partie de l'ego, esthétique ou pas, il faut qu'il soit répétitif. Puis là, ben là, on fuck tout le monde, on manipule l'individu pour qu'il change, pour qu'il change, pour qu'il change, pour qu'il ça. Alors, pour éviter, puis je reviens encore là-dessus, on va en reparler de temps en temps, mais c'est la seule façon de parvenir à adoucir, sinon à éviter totalement l'apocalypse des autres, c'est de se servir suffisamment du branchement d'intelligence qu'on a à travers notre gestion émotive pour cesser, puis c'est facile. Posez-vous la question chaque fois que vous intervenez dans le plan de vie de quelqu'un ou chaque fois que quelqu'un chiale. Est-ce que je suis sur son dos? Et là, faites pas ça. Je suis pas sur son dos, je suis à côté. Mais c'est normal que je dirige que l'affaire parce qu'il est trop épais pour s'en rendre compte. Vous êtes sur son dos, là. Autrement dit, est-ce que vous prenez des décisions à sa place? Est-ce que vous essayez de manipuler sa vie émotive pour qu'elle s'accorde à la vôtre? Est-ce que vous décidez, vérifiez, est-il libre? Ah, moi, ma femme est totalement libre. Bon, il y a des limites à sa liberté. Non. Elle peut coucher avec n'importe qui. Bon, minute. Mais là, ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Ta femme n'est pas libre. Ta femme veut coucher avec deux gars. Pensez-y, là, mentalement. C'est son corps physique, ciboulot. C'est sa vie. C'est ses bébelles. Ça vous regarde où? Ouais, mais ça l'attrape une maladie vénérienne. Ça couche avec autrui. Décide qu'après tu prends des précautions ou décide que tu couches plus avec elle. Pas par vengeance. Par protection. Ça te regarde. Mais est-ce que tu peux décider de limiter ton mari ou ta femme dans les relations sexuelles? Non! Ton enfant, là, il a 14-15 ans, il commence à avoir des relations sexuelles. Ça te regarde même pas. Oh, mais s'il attrape une maladie, mais tu peux venir en maudit avec ça. Quand tu couches-tu avec ton enfant? Non, mais si moi, il va te venir dans l'hôpital, puis acheter des médicaments, puis à ci, puis à ça. Instruis-le. Des mécaniques de protection. Puis à un moment donné, s'il ne t'écoute pas, puis il ne fait rien, puis il attrape une maladie vénérienne, ben écoute, quand il aura 18 ans, tu nommeras l'hospice. Si vous êtes déjà d'or et déjà bien centré sur vous, il ne pourra pas. Oh, mais il est malade, je suis pas nié avec, il faut le balancer. Qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver que l'astral va s'organiser pour qu'il soit pas malade, parce que de sa structure égoïque, il ne sera pas capable de supporter le choc, de se voir rejeté, parce qu'à un moment donné, il n'est pas dans ton intelligence. Donc, il ne fera pas ces conneries-là. Mais l'humain a tellement peur qu'il est tellement entre les deux qu'il va tout faire les conneries pour faire chier ses parents. Parce qu'on peut l'instruire sans devenir empoisonnant. Là, ça devient une colère royale, une colère mentale royale. Je ne sais pas expliquer comment ça se fait trop parce que c'est complexe. On t'avait de savoir. Non. Mais c'est quelque chose qui va faire en sorte, à un moment donné, que le plan de vie de ton enfant va totalement être détruit pour que son plan de vie soit de plus en plus assujetti à ton intelligence. Bon. Puis à un moment donné, c'est son intelligence qui va venir prendre ta place, la place de ton intelligence chez lui. Puis dans ce temps-là, l'enfant ne vit pas la maladie mentale qu'on appelle la crise d'adolescence. puis l'enfant ne vivra pas différentes maladies mentales qu'on retrouve et qu'on trouve normales et naturelles chez les enfants. Bon. La crise d'adolescence. Ça, c'est une maladie mentale totale, ça qui devrait être prévu, prévenu. Mais ça, c'est une chose. Bon. D'ailleurs, c'est parti, je vais écrire un livre à un moment donné là-dessus. La maladie mentale de l'enfance, de l'adolescent. Vous allez voir comment ça va crier. C'est une maladie mentale. C'est pas une maladie, c'est une façon de parler. Non, c'est une maladie mentale, une psychopathie. L'obligation de passer par là. Non, mais c'est comme la schizophrénie. C'est comme la paranoïa. C'est la même affaire. C'est pas la même pathologie, là, mais c'est si la paranoïa, c'est une maladie, la crise d'adolescence, c'est une maladie. C'est la même chose. Mais l'enfant est carrément fou, tout perdu. On le reconnaît plus, c'est plus ce qu'il voit. Tout est fait au complet. Puis c'est normal. Normal. On passe tous par là. Fait que si un jour on passe tous par la paranoïa, ça va être normal. Oui. On souffre quand on est en couple. C'est normal. C'est correct. Voilà. Ouais. Des maladies mentales, ça. Okay? Alors, il faut bien comprendre l'idée, c'est qu'on vérifie. Premièrement, prenez vos décisions. On prend des conseils d'autrui. Quand c'est pas un conseil émotif, quand c'est pas émotivement qu'il vient te conseiller. Bon. Puis si émotivement il vient te conseiller, son conseil est valable, tu dis, c'est bon, va le faire. Puis parle plus jamais de même. Oui, parce que là, elle vient t'es empoisonné, mais ça a d'allure ce qu'elle dit. Coupe l'empoisonnement, puis tu peux prendre le conseil. Il n'y a pas de problème, là. Puis nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben, quand quelqu'un va mal, le vérifiez donc jusqu'à quel point vous l'empoisonnez. Pas pour lui. Tu ne peux pas être heureux ou heureux si tu empoisonnes quelqu'un. Tu perds ton temps à toujours être d'impact de d'autres. Mais ta vie est totalement déterminée par leur plan de vie, puis leur plan de vie ne sera jamais ajusté au vôtre. Vous ne pourrez pas changer et assujettir complètement un humain. Donc, quand on est empoisonnable et qu'on embarque dans les pénates de l'autre, on ne peut pas parvenir à s'en sortir. Puis là, encore une fois, il faut bien comprendre, il faut être intelligent pour comprendre. Donc, si vous comprenez, c'est intelligent, sinon, vous allez comprendre un jour. On ne sera pas malheureux, puis on ne se fait pas la tête, puis on ne cesse pas de se parler et de se communiquer, parce qu'à un moment donné, on ne veut plus que, être dans le plan de l'autre. On ne veut plus que l'autre soit dans notre plan. Il y a de l'esthétisme et de l'intelligence. Vous passez l'aspirateur dans la maison, vous pouvez aller passer l'aspirateur dans la chambre de votre conjoint ou conjointe de vos enfants, ça vous tente. S'il fait tout pour le saler, parce qu'il s'en fout, parce qu'il met de l'air, vous ne la passez plus. Ne passez même plus l'aspirateur pour passer le balai, puis vous videz le porte-poussière dans sa chambre. Okay. Parce que le fait de passer l'aspirateur dans une pièce et de la passer dans la pièce de l'autre, c'est pas d'embarquer dans sa vie. Mais si l'autre il rentre après ça avec ses bebelles et il salit sa pièce, là, tu viens chialer parce qu'il salit sa pièce, parce que t'as passé l'aspirateur dedans, là, t'empoisonnes sa vie. Les enfants font ça souvent. Du moment qu'il lave son linge, il sort et il salit tout de suite. Fait que chiale après. Faut faire attention, j'ai déjà de le laver. Lave-le plus. Il a raison. Lave-le plus. Plus de problème! Un habit de neige neuf, t'as pas le droit de le saler. Ben oui. Il est déchiré. Tu n'en achètes pas d'autre, c'est tout. T'as le droit à ton plan de vie. Et il y a des petits hommes, il fait ce qu'il veut avec. Il arrive tout crotté. Ça va plus le fun, ça sera tout propre. J'aurais peut-être d'accord. Mais on n'a pas à garder le tien propre, c'est tout. T'as pas embarqué dans le plan de vie de l'autre. Oui, mais c'est moi qui fais le lavage. Fais-le plus, le lavage. C'est banal. Il va être tout crotté, tout le monde, ils vont penser que... C'est ça. Laisse les autres t'empoisonner. Là, il faut que tu agisses en fonction du bonheur d'autrui. C'est tellement facile. Et à un moment donné, c'est évident qu'il va commencer à apprécier quand tu laves son linge, puis il va commencer à découvrir la valeur des choses. Puis le linge qui salit tout le temps, lave-le plus. C'est comme mon chum, tu connais le contrôle. Lave-le, puis laisse-le salir, ferme ta grand boîte. Puis sois l'esclave de la cabane, puis lave, puis lave, puis lave, puis lave, ferme ta gueule. Ou bien laisse-le saler et lave plus. C'est tellement facile. Pouvez-vous dire à quelqu'un, écoute, c'est moi qui fais ça, fait que tu feras plus telle affaire. Si ça vous appartient, la bebelle, vous avez le droit. Si ça lui appartient, la bebelle, vous êtes encore dans ses pattes. Okay? J'ai lavé ton char. C'est moi qui lave ton char, là, fais-le attention. Lave-le plus, mon char. Ah, oh, je ne lave pas, ma petite crottée. C'est pas toi qui vas le laver, hein? Mais non, justement, c'est moi qui vais le laver. Je suis pas un cave, vous ne le laverez pas, je ne suis pas dans le salé. Puis là, l'argumentation, puis là, t'es mal éduqué, bon, il va, puis la chicane. C'est un drainage continuel. C'est qui va le faire si tu le fais pas? Personne. Ben, c'est ça! C'est C'est pour ça que je le fais aussi. Je suis bien obligé. C'est ça les missionnariats, là. Ouais. C'est pas missionné. Lâche, relaxe un peu, puis boire. Relax. Ouais, relaxe dans la vie. Tu laves les affaires de tes enfants, puis ils veulent rien savoir, lave plus. Bon, ils salissent toute la maison, donc tout dehors. Toute la maison, ils salissent toute leur chambre. Toute la réalité, il faut qu'ils s'occupent de son espace vital. Relaxer, puis lâcher. Bien important, bien important. Bon, ta deuxième question, c'est quoi? Au début de la conférence, j'avais pensé que être solitaire ou être seul, c'était mieux que la vie de couple et la vie familiale. Sauf que, actuellement... Non, mais c'est pas fait, tu fais les deux, toi. En réalité, c'est pas vrai. T'es solitairement en couple. C'est vraiment... Parce qu'actuellement, la vie de couple semble c'est être la meilleure... C'est la question en troisième partie, on va recommencer avec ça, puis après ça, on va répondre à la question. Oui. C'est